Son nom s'ajoute à la liste des victimes de crimes racistes perpétrés cette année-là en France. Le ministre de l'Intérieur en déplore 5, les associations parlent d'une dizaine. Partout, l'intolérance et la violence prospèrent. Le Front National, lui, poursuit sa route, désormais sous le feu des projecteurs. Le 13 février 1984, Jean-Marie Le Pen et le Front National conquièrent un nouveau terrain, celui de l'audimat du prime time du jeudi soir. Pour la première fois, Jean-Marie Le Pen est invité sur le plateau de l'heure de vérité de François-Henri de Virieux et Alain Duhamel. Le lendemain, rue Bernouilli, au siège du parti, ils sont des dizaines à faire la queue pour prendre leur carte. Quelques mois plus tard, ils seront 10,98% à accorder leur voix à la liste européenne de Jean-Marie Le Pen. En 1986, 35 députés frontistes, dont Le Pen et Stirbois, entreront à l'Assemblée nationale. À Dreux, en 1983, la gauche a perdu ses certitudes, la droite a tendu la main. Le Front National a commencé alors à se frayer un chemin, devenu 32 ans plus tard, une autoroute politique. Sensible, Fabrice Drouel. Dreux, 1983, la percée du Front National. Avec notre invité aujourd'hui, David Doucet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Inroc et auteur, avec notre confrère de Libération, Dominique Albertini, du livre intitulé « Une histoire du Front National ». Voilà, alors, derrière cette percée, et comme incarnation aussi de cette percée du Front National en 83, il y a donc ce monsieur, Jean-Pierre Stirbois. Qui est-il à l'époque? D'où sort-il? D'où vient-il? Que veut-il et que dit-il? Alors c'est une question difficile. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours été un militant à l'extrême droite dès la première heure. Il a été marqué par les défaites de l'Indochine, enfin de la France en Indochine et en Algérie. Et donc du coup, très tôt, il a milité, il a été proche des mouvements OS dans son adolescence. Il dit que aussi il a été marqué par la mort d'un engagé volontaire en Indochine à l'âge de 10 ans avec qui il avait conversé et que son engagement viendrait de là. Alors à un moment donc il a aussi participé à la campagne de Tixier. Texier-Vignancourt, figure du poujadisme français de l'extrême droite. Oui. Et puis, dans les années 70, donc ce fils de chaudronnier sa mère était doreuse sur cadre, il va monter un petit groupuscule qui paye pas de mine, qui s'appelle le Mouvement Solidariste. Et puis, à un moment, il va s'engager au Front National, parce qu'il y a toute une kyrielle de groupuscules qui finissent par effet de levier, par adhérer au Front National, qui est représenté à l'époque donc par Jean-Marie Le Pen. Et donc là, très vite, en fait, il pensait que le Front National serait un mouvement puissant, organisé. Et dans ses mémoires, il dit ce qui m'a étonné, c'est que de voir que c'était un mouvement très peu structuré, avec très peu de militants, vraiment encadrés. Et donc lui, il va s'attacher, parce que c'est quelqu'un qu'on définit souvent comme un léniniste, enfin les personnes qui l'ont connu à l'époque, à structurer le mouvement, à l'encadrer, à créer des fédérations. Et puis, il professionnalise le mouvement. Il professionnalise tout l'appareil, donc c'est un pur apparatchik. Et il estime aussi, comme Lénine, qu'un mouvement se renforce en s'épurant. Et donc il va aussi dédiaboliser le parti dès ces années-là, des années 70 et 80, en écartant tous les nationalistes révolutionnaires, donc des proches de François Duprat, qui étaient un peu des nazillons. Et lui, il va prendre la tête de l'appareil. À l'époque, il a une imprimerie, donc c'est quand même un legs important. Et ce qui permet en fait de tenir la propagande pour le Front National. Donc, cette imprimerie, elle est située à Dreux. C'est un héritage qu'il a de sa belle famille. Et donc, très vite, il croit aussi à l'implantation locale, ce qu'on verra aussi avec Marine Le Pen par la suite, c'est-à-dire qu'il pense que le succès va se construire en s'implantant localement. Donc, dès la fin des années 70, il se rend à Dreux, dans cette petite commune d'Eure-et-Loir, coincée, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'est une cité dortoir à l'époque. Et donc, il va, avec sa femme Marie-France, labourer le terrain, et expliquer à cette commune qui est marquée par le chômage qu'il y a une corrélation entre immigration et chômage de masse. Alors donc on a le socle idéologique là du Front National qui se dessine. On a déjà un phénomène de dédiabolisation. Hein, c'est quand même assez étonnant. C'est toute l'histoire qui se répète comme ça. Mais alors qui sont en revanche les militants du Front National? Vous dites bon c'est assez artisanal, mais qui sont à la fois les militants et ensuite, c'est le plus important, les électeurs. À ce moment-là. Au départ, les militants, ça rassemble des groupuscules, les anciens de l'Algérie française, comme Roger Olyndre. Il y a des personnes qui venaient des courants nationalistes révolutionnaires. Mmh. Il y avait aussi des anciens du poujadisme, parce que Jean-Marie Le Pen est un ancien député poujadiste. Donc, c'est quand même les vaincus de l'histoire récente au début. C'est des revanchards, quoi. Voilà, c'est des revanchards. Et ça, c'est pas l'électorat. Parce que l'électorat, c'est autre chose. Et l'électorat, est-ce qu'il s'intéresse à cette dimension historique récente et très politique ou non? Les électeurs, non, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont peur des immigrés, ils veulent du travail, c'est ça en fait. On est déjà dans le vote de protestation. Ils cherchent un électorat au début, le Front National, parce que Stirbois raconte dans ses mémoires, je présidais des réunions. À l'époque, il y avait 3 personnes, donc il le raconte. Donc c'est vraiment un tout petit groupuscule. Mmh. Alors ça commence en fait en 82, où on voit que le FN progresse à différents endroits, et notamment à Dreux, où Stirbois et sa femme tutoient les 10%. Et donc là, il va essayer de trouver un nouvel électorat. Alors c'est ce que raconte bien aussi l'historien Nicolas Lebourg, c'est qu'il va essayer de radicaliser les positions de la droite en disant bah la droite c'est l'antifiscalisme, la droite c'est en matière de sécurité ce n'est pas véritablement ce qu'il faut faire, et on se présenter comme la vraie droite face à la droite gaulliste. Et il va essayer en même temps de séduire l'électorat populaire. Et donc il essaye en fait de regrouper un électorat assez interclassiste. Et on voit que dans les années 80, Stirbois réussit à la fois à séduire un électorat communiste populaire et dans le même temps à se présenter comme la vraie droite face au RPR. Ce qui a fait dire d'ailleurs à certains observateurs ou même des politiques, et peut-être à juste titre, que le Front National, plus que l'extrême droite, était un prolongement naturel de la droite, comme un retour aux sources de la droite maurrassienne, dans laquelle l'ennemi de l'intérieur, qui est une invention de Maurras, n'est plus le juif, peut-être, mais surtout l'immigré, surtout s'il est musulman. Oui. Est-ce que c'est une réminiscence, une résurrection de cette droite maurassienne ? Aujourd'hui encore d'ailleurs, je vous pose la question pour aujourd'hui aussi. Oui, on peut penser. Enfin, là, c'est vrai que c'est toujours plus facile de dans une commune qui est marquée par un fort taux de chômage, où je crois que ça tutoie les 20%, et que à l'époque il y a à peu près 40% de personnes qui sont issues de l'immigration, de dire que les problèmes que rencontre la ville sont des problèmes qui sont liés à l'immigration. Et en fait, comme Dreux précède la France dans l'ère du choc, enfin du chômage de masse issu du second choc pétrolier, en fait ça marche très bien. Et dans votre documentaire, vous montrez qu'il a des arguments assez simplistes, Stirbois. Oui. Et dans le livre avec Dominique Albertini qu'on a écrit sur l'histoire du Front National, on a recueilli le témoignage du vice-président du Front National, Jean-François Jalques, qui l'est toujours, et qui dit j'ai participé moi à cette campagne, mais c'était une campagne de demeure. Alors je sais bien qu'il ne faut pas faire de l'intellectualisme, mais il disait que vraiment c'était une campagne qui volait au ras des pâquerettes. Oui, c'est dit dans votre livre, ouais. Hein, au ras des pâquerettes. Et donc oui, c'est très simple pour lui d'associer les deux. Alors, et à ce moment-là, il arrive en fait avec des méthodes parfois assez limites à montrer cette corrélation, et donc ça séduit des gens qui sont dans le désœuvrement. Alors, absurde de l'absurde, ce sont ces gens-là qui, à la mairie de Dreux, sont en charge de l'action culturelle. C'est quand même énorme. Le Front National n'est quand même pas le premier parti, c'est le moins qu'on puisse dire, à porter haut et fort les valeurs de la culture. Mais c'est comme ça. Bon, écoutez, je vous propose d'écouter un témoignage extrait d'un journal de télé de 1985 qui fait le bilan, justement, de l'action culturelle de la mairie sous l'égide des élus Front National. Une espèce de désert, c'est tout simple. Moi, je suis à Dreux depuis en gros 8 ans. Je suis arrivé dans une ville où il y avait peu de choses. Petit à petit, on a été invité à participer à la création tout un champ socioculturel. Entre autres, on faisait le constat qu'il y a 2 ans, sensiblement, il y avait à peu près une manifestation culturelle tous les 3 jours. Actuellement, il n'y a plus rien. Bon nombre d'animateurs municipaux ont disparu, des associations de quartier se sont dissoutes, liées à des phénomènes peut-être à la campagne municipale, mais aussi une espèce d'abandon dans la mesure où quand on mène un mouvement associatif, on a besoin d'être soutenu et d'être reconnu par la collectivité locale. Voilà, donc en gros, selon cette personne, c'est le désert, quoi. Oui, le Front National a souvent, dès qu'il arrivait à la gestion municipale ou même, dans des conseils plus importants, il a toujours, coupé les subsides culturels d'associations qui lui étaient opposées pour ensuite, promouvoir peut-être la presse dit Ami, donc Rivarol ou Minute, on l'a vu notamment à Orange. C'est aussi ce qu'a fait le Front National dans les années 90 quand ils ont eu des mairies, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite, notamment à Vitrolles avec une association qui s'appelait Le Sous-Marin, qui était une sorte de bar où qui organisait des concerts. Et très vite, en fait, il y a une bataille entre Bruno Maigret, qui était grâce à sa femme, qui était le maire de la ville. Enfin, c'était sa femme qui l'était, mais bon, lui, il arrivait à gérer la ville. Et ils ont essayé de fermer cette salle qui faisait des concerts. Donc très vite, effectivement, le Front National s'attaque à la fois à ces assauts culturels qu'il estime qu'il n'arrivera pas à conquérir, ou du moins à retourner. Et pour favoriser plus des actions vis-à-vis de son électorat qui est plus proche, c'est-à-dire des retraités, ou des actions plus manifestes en centre-ville, plus symboliques. En fait. Alors, vous évoquez aussi dans votre ouvrage le corollaire de tout cela, le parallèle, et ça fait partie de l'élément global, c'est qu'au même moment, Jean-Marie Le Pen fait aussi sa percée sur le terrain médiatique. Alors, il y avait un débat, je me souviens de ce débat qui était vif et qui consistait à dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec le Front National ? Est-ce qu'on le fait entrer dans le jeu médiatique ou est-ce qu'on le laisse en dehors du jeu médiatique, donc démocratique ? Nous sommes dans une démocratie, donc le choix a été fait, effectivement, d'intégrer le Front National dans le débat public. Et évidemment, Jean-Marie Le Pen en a profité, la brèche était énorme, il s'est engouffré donc dans ses émissions où il fait 7 minutes de silence, enfin, il fait du spectacle. Donc il y a vraiment les deux phénomènes en même temps. Il y aurait l'écho national est très fort de Jean-Marie Le Pen et Dreux qui sera un laboratoire. C'est comme en ça fait, que ça a fonctionné. Sa percée médiatique précède la percée politique sans qu'on puisse déterminer si vraiment ça a joué. En fait, c'est un discours de François Mitterrand à Orléans, il me semble, où il dit, voilà, il faut laisser la place au pluralisme des opinions. Et Jean-Marie Le Pen saisit la balle au bon et lui écrit en disant, ben ouais, moi, ça fait 10 ans que je fais de la politique et je ne suis pas invité sur les plateaux télévisés. Et donc là, Mitterrand a joué un rôle et Jean-Marie Le Pen va avoir accès à différents JT télévisés. Ensuite, en septembre 83, il y a Dreux, qui a un écho national, parce que bon, pour la première fois, effectivement, ils arrivent à la tête grâce au RPR, la gestion d'une ville. Et ensuite, il va y avoir cette émission marquante qui est L'Heure de vérité, donc c'est la grande émission d'époque politique, un prime time, où effectivement Jean-Marie Le Pen fait une minute de silence pour les victimes du communisme, et qui va avoir un retentissement énorme. Et à la suite de cela, en fait, après Dreux, il y a eu plusieurs municipales partielles, on les a oubliées, mais il y a eu à Auray et à Aulnay, vous l'avez raconté dans le reportage, et donc il y a toute une vague successive, et puis le point véritablement culminant, c'est les européennes de 84, ah oui. Où là, ils obtiennent 10 élus. Et donc là, on ne peut plus dire que c'est un petit parti qui mordit, comme le disait par exemple Roger Carucci, qu'on avait interrogé dans notre livre, qui était à l'époque un simple secrétaire national de droite, c'est plus un tout petit parti groupusculaire, c'est une force émergente qui obtient 10 élus, et puis en 86, lors des élections législatives, avec la proportionnelle, ils ont 35 députés. Et donc absolument. Là, effectivement, c'est la percée du Front National. Alors, Dreux, c'est aussi une bataille des mots. L'immigration est devenue un problème, puis le problème, c'est le problème de l'islam, la présence des musulmans. Et on va écouter en une deuxième archive, c'est un reportage, cette fois, de 1987 sur Antenne 2. Alors, écoutez attentivement les mots du commentaire. Dreux, septembre 87. Il y a toujours autant d'immigrés. Ces jeunes Pakistanais apprennent à lire et à écrire l'arabe dans les textes sacrés. Cette école coranique n'existait pas il y a un an. Les Pakistanais se sont installés récemment dans la ville. Ils pratiquent leur religion, l'islam, avec assiduité, sans sectarisme, portes ouvertes, accueillants et chaleureux. À côté d'eux, 63 autres nationalités vivent à Dreux. Les étrangers représentent le quart de la population de la ville et 80% de ces étrangers sont musulmans. Mais il n'y a aucun affrontement à Dreux aujourd'hui, parce que les Français vivent dans le centre de la ville et les immigrés sur les hauteurs. Et si les immigrés descendent dans le centre au moins les jours de marché, l'inverse est rarement vrai. Si on habite dans le centre-ville, on fait sa petite vie, son boulot, machin, et puis il n'y a rien à voir là-haut, en fait. J'évite d'aller sur les plateaux en général. Pourquoi ? Ça m'effraie un petit peu, tellement laid, sale. C'est intéressant parce qu'il y a déjà tous les éléments de langage, attention à ce que vous dit le Front National, les immigrés ont leur place ici, ils sont accueillants, faites pas d'amalgame, déjà ça y est, les éléments du débat sont là et c'est les éléments d'aujourd'hui encore. Oui, c'est un éternel... En fait, à partir du moment où le Front National a trouvé sa formule magique en quelque sorte, en cette corrélation entre immigration et délinquance, entre immigration et crise économique, ils vont pas le lâcher. Donc ça a commencé dans les années 70 avec François Duprat, qui est à l'origine de cette théorie. Et puis ensuite, Sirbois et puis les autres grands dirigeants du Front National vont poursuivre sur cette lancée. Et les résultats électoraux faisant, ils n'ont pas d'intérêt à lâcher cette formule. Et dans une ville comme Dreux, où effectivement l'immigration est plus visible, parce qu'effectivement il y a une forte communauté musulmane, c'est très simple en fait de pointer du doigt tel ou tel en l'accusant d'avoir pris notre pain ou notre emploi. Alors, je vous invite à vous engouffrer dans ce qu'est la ligne éditoriale de cette émission. Le cœur de la ligne éditoriale, c'est de savoir ce qui se passe maintenant à Dreux. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que vous y êtes retourné il y a très très peu de temps et vous en avez fait un article pour Les Inrocs. Vous êtes allé à Dreux quand? Il y a 15 jours, 3 semaines? C'était au début décembre avec Mathieu Dejean aussi, qui est un journaliste aux Inrocs. On y a été à deux. Alors, quelles sont les traces et les résonances dans le Dreux d'aujourd'hui de ce qui s'est passé à Dreux en 1983? C'est très étonnant parce que quand on a été sur le marché de Dreux, l'un des marchés dont, voilà, dont on parlait, là effectivement on voit une forte communauté musulmane, enfin disons voilée ou portant des kéfis, mais c'est la population de Dreux qui est bon où l'islam est plus, enfin sans doute plus, enfin une religion qui est quand même très très présente parce qu'il y a quatre mosquées. Ils ont pas du tout. C'est comme si le Front National avait disparu pour les habitants, que ça soit des vieux Drouais de plusieurs générations ou même les comment dire des Français de confession musulmane qui sont arrivés plus récemment. Ils ont l'impression de n'avoir jamais vu le Front National. J'ai rencontré un jeune qui avait 35 ans qui faisait le marché, qui m'a dit moi le FN j'en ai jamais vu, c'est quoi? Donc c'est quand même étonnant. Mais ils ont conscience quand même que leur ville a été le symbole de la percée électorale. Pas tous. Certains, oui. Ouais. C'est les vieux Drouais qui ont connu les Stirbois, il y en a encore quelques-uns. Mais d'autres jeunes, Non, parce qu'en fait, il y a quasiment pas de présence militante du Front National à Dreux. C'est comme s'il avait disparu. Mmh. Et on l'a vu notamment lors des dernières élections. Par exemple, en 2012, à Dreux, Hollande, il a fait 40% au premier tour. Ouais. Et au régional, finalement, au second tour, la gauche l'emporte à Dreux avec 40%, enfin 38% des voix. Et on voit que le Front National, c'est comme un vieux souvenir. Comme si déjà il y a pas mal de Drouais qui sont mécontents de l'image laissée, parce que c'est vrai que les journalistes présentent souvent Dreux comme un laboratoire du Front National, et nous les premiers. Et d'un autre côté, le Front National n'a pas véritablement laissé de traces. Pourquoi? Parce qu'une fois que Jean-Pierre Stirbois, puis sa femme, Jean-Pierre Stirbois est mort en 88, sa femme est ensuite partie de Dreux dans les années 2000, une fois qu'ils sont partis, eux c'était des leaders charismatiques qui avaient une forte implantation, mais une fois qu'ils sont partis, il n'y a pas eu de relais. Et du coup, le Front National a littéralement disparu des écrans radars. Et aujourd'hui, bon, on a un maire qui est un maire de droite, qui a fait beaucoup pour la rénovation urbaine, en tant qu'ancien président de l'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et il a fait en sorte de détruire les tours, bon il y a encore du travail, hein, mais de détruire les tours et d'essayer de faire ce qu'on appelle de la résidentialisation, c'est-à-dire que les habitants des quartiers populaires se réapproprient leur espace commun, et faire en sorte que cette ville, aujourd'hui, soit plus une ville où la mixité sociale et le bien-vivre, soit promu. Alors, vous qui avez écrit ce livre sur les débuts du Front National, la genèse de cette histoire, quel regard vous portez sur le résultat des élections régionales, là, premier et deuxième tour? Je pose la question pour les deux tours. Ça reste une élection historique quand on voit le FN avec un tel score dès le premier tour viré en tête, comme aux élections européennes, c'est du jamais vu. Ils vont avoir un nombre de conseillers régionaux record. Et ça va les aider d'ailleurs pour la collecte des signatures, qui reste un casse-tête à chaque fois pour le Front National, pour la présidentielle de 2017. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'on voit que le FN reste un parti de premier tour. Ils n'arrivent pas à passer le second tour, ils n'arrivent pas à constituer une majorité. Ce qui est quand même une impasse dans notre système de la Ve République, axé sur le scrutin majoritaire à deux tours, pour lequel il faut créer des alliances. Et puis en face, il y a ce qu'on appelle le Front Républicain, qui lui fait un barrage. C'est une impasse. On peut s'interroger, oui, là-dessus. Parce qu'effectivement, démocratiquement, que le FN n'arrive à obtenir aucune région. Mais bon, notre scrutin, la Ve République, est fait comme ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le FN bute, peut-être à cause de son image encore. Cette vieille image, même si Marine Le Pen a fait des efforts pour dédiaboliser le parti, pour changer justement la patine. Et ben, malgré tout, 67% des Français la jugent aujourd'hui sectaire, selon un sondage IFOP. Ce qui prouve qu'il y a encore du travail à faire. Absolument. Merci en tout cas. Merci David Doucet pour vos éclairages. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les origines du Front National, la percée électorale du Front National plus précisément. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire du film Apocalypse Now. Bonjour Elsa Boublil. Bonjour Fabrice Drouel. Alors, vous avez des classiques au menu aujourd'hui. Au menu, je reçois le pianiste Alexandre Tarot, que vous connaissez certainement. Oui, je le connais. Il a interprété au... Ah ouais, bah, très bien. Aux côtés de Nathalie Dessay, vous savez, pour la cérémonie aux Invalides, absolument, en commémoration aux victimes des attentats. Et c'est un grand pianiste qui vient d'enregistrer un disque autour de Bach et des variations Goldberg, absolument magnifique. Donc on va parler de ses goûts musicaux, ce grand talent qui a grandi dans la musique et qui va nous raconter comment il a grandi dans la musique. C'est vrai, moi je l'ai connu quand il était petit, en tout cas jeune homme. Avant, eh ben voilà, vous allez le connaître grand, et les auditeurs surtout. Seulement, à tout à l'heure.